Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, la révolution n'est pas un dîner de gala. La radicalisation des mouvements d'extrême gauche après 68. Une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Christine Robert. Au départ de cette série, il y a, alors que des cheminots sont en grève et des facs occupées, un anniversaire à fêter. Ou une commémoration obligée, on ne sait plus. Mais une date en ligne de mire, avec la peur de l'embouteillage ou celle d'une nostalgie trop facile. Mais avec l'envie d'en parler quand même. Et aussi ce constat qu'à un moment, après 68, les choses ont dérapé, pour tout un tas de raisons et pas forcément uniquement des mauvaises. Alors il y a l'envie de rester sur le fil et de creuser pour comprendre comment le printemps a fini par s'armer jusqu'aux dents. Et comme souvent, on bute sur la Seconde Guerre mondiale. Mais comment passer des manifestations aux armes ? Alors pour commencer, les personnages. Une lycéenne inquiète pour son frère, un manifestant tué, un militant abattu, des camarades entraînés, des dirigeants qui hésitent, des intellectuels qui se mouillent, de futurs terroristes, un écrivain sur les traces de l'histoire, une politologue et une historienne. Ensuite le décor, des manifestations, une soirée à l'opéra, des coups tordus, des bombes artisanales, des cocktails Molotov, une trop belle voiture et un enterrement qui aurait pu mal tourner. Aujourd'hui, deuxième épisode, une jeunesse allemande. War dann 68, habe ich mich für eine Ausbildung. En 1968, je me suis inscrite dans une école de photographie à Berlin. Et une des raisons de ce choix était que mon frère étudiait déjà à Berlin. J'avais un grand frère plus âgé et dans la famille un peu chaotique que nous avions à l'époque, il était très important pour moi. C'est Torvald. Mais je ne souhaite pas parler plus de lui. C'est juste pour vous expliquer le contexte. Et juste au moment où j'étais en train de fermer mes valises pour partir à Berlin, on a appris que la nouvelle que mon frère avait été arrêté à Francfort. Mon père et moi, ça nous a beaucoup choqués. Je me faisais beaucoup de soucis pour mon frère. Je me suis démenée pour savoir pourquoi il était en prison, lui et ses amis. Tout ça était évidemment totalement inhabituel pour moi. Et très vite, j'ai commencé à rencontrer tous ses amis. Et ça a été, en quelque sorte, mon entrée dans cette scène politique. Voilà, ça devient très bruyant ici. Stop, c'est good. Après 68, la révolution n'est pas un dîner de gala. Deuxième partie, le feu aux poudres, Allemagne, France. C'est un lieu typiquement ouest allemand, où on aurait envie de dire il ne s'est rien passé, il ne se passera jamais rien, mais enfin si, il y a eu cet assassinat. Non, enfin c'est juste un lieu absolument sans âme et terrifiant, comme il y en a beaucoup à Berlin. Enfin voilà, on a des poubelles, une grille, et des bâtiments d'habitation, et un ciel gris et de la pluie, ce qui ne contribue pas à l'allégresse générale. Il y a une flash, pas peut-être. Pas sûr, on va aller voir. Quand le Shah d'Iran est venu en RFA, nous en savions peu sur l'Iran et peu sur notre propre pays. Ulrike Meinhof. Mais quand les étudiants sont descendus dans la rue pour faire connaître ce qui se passait en Iran, nous imprenions aussi la vérité sur l'état dans lequel nous vivons nous-mêmes. Il est apparu qu'on ne peut accueillir le chef d'un état policier sans sympathiser avec lui. Voici des extraits du film de Roman Brodmann, La visite du chat, le 2 juin 1967 à Berlin. Bei Einbruch der Dunkelheit fällt ein Schuss. Alors que la nuit tombe, un coup de feu retentit. Une passante vient aider l'étudiant Onur Sorg, qui vient de recevoir une balle dans la tête. On lui crie dessus, à quoi ça sert de l'aider maintenant ? Le 2 mai 1967, un étudiant, Benno Onesorg, est tué lors d'une manifestation pacifiste contre la venue du Shah d'Iran à Berlin. Pour la première fois, la question de la lutte armée va se poser au sein du mouvement étudiant allemand, qui fait déjà face à une campagne de haine de la part de la presse populiste Springer. Contrairement à la France, où les étudiants sont globalement soutenus par la population, l'Allemagne se méfie comme de la peste de la jeunesse contestataire. La génération des parents, remis en cause, voit dans la violence de ses enfants, comme dans un jeu de miroir, le reflet de ses propres années au sein des jeunesses hitlériennes. L'ambiance est délétère, tout le monde se traite de nazi, et dans les communautés libertaires berlinoises, la riposte s'organise. Occupation d'immeubles, attaque des locaux de la presse Springer, bataille rangée avec la police, tout se met en place pour l'explosion à venir. La naissance, le 14 mai 1970, de la fraction Armée Rouge. Pendant presque 30 ans, jusqu'en 1998, et avec seulement une vingtaine de militants actifs pour chacune des trois générations, la RAF multipliera les actions, attentats, braquages, détournements d'avions, enlèvements, assassinats, faisant en tout 34 victimes. Pour nous parler de ce passage à la violence, nous avons rencontré cet hiver à Berlin Astrid Prohl, membre de la première génération de la RAF, avec à l'époque Andreas Bader, Gudrun Enslin et la journaliste Ulrike Meinhof. Mais avant ça, retour là où tout a commencé, au Deutsche Oper, dans le quartier de Charlottenburg, avec l'écrivain Alban Lefranc. Il y a une photo là où Benno Neuzorg a été abattu, donc le 2 juin 1967. Métro Deutsche Oper. Et c'est cet endroit-là que vous avez choisi, Alban Lefranc, pour nous parler de la RAF. Ben oui, parce que ça me semble un point de départ vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que c'est une véritable césure dans l'histoire de la toute jeune République fédérale allemande. Il y a une grande manifestation qui a été organisée en juin 1967 contre la venue du Shah d'Iran. Quand le Shah entre dans la mairie, ses partisans passent à l'attaque. Les barrières qui les séparent des manifestants tombent. Et tout à coup, ils s'arment de matraques et de bâtons. Sur les 5000 policiers mobilisés à Berlin, aucun n'est là pour éviter ce qui va suivre. Pendant un long moment, les Iraniens frappent les manifestants. Puis les manifestants reprennent espoir. La police agit enfin. Mais on se demande de quel côté elle se range. L'impression se renforce qu'elle ne veut pas aider les étudiants. Elle s'attaque aux manifestants, mais évite les agresseurs iraniens. Pendant que le Shah d'Iran et le maire de la ville assiste à l'opéra, donc qui est à quelques mètres, à une représentation de La Flûte Enchantée, au passage qui est l'opéra qui a été le plus joué pendant le régime nazi, les sbires du régime du Shah tabassent à coups de barres de fer les étudiants pacifiques qui protestaient contre la venue du Shah, et un policier tue à bout portant cet étudiant, Benno Honezorg. Donc là, c'est une véritable césure qui va véritablement accélérer les choses et radicaliser, contribuer à radicaliser le mouvement étudiant. Ce qui ajoute aussi à l'extrême violence de la situation, c'est que la Bild-Zeitung, le lendemain, mène une campagne contre les étudiants, donc qu'elle considère comme responsable de ces événements. Elle compare les étudiants à des SA. Le maire de la ville fait aussi porter la responsabilité du drame aux étudiants, s'excuse auprès de son hôte, des troubles, enfin du fait qu'il a pas pu regarder dans les conditions idéales l'opéra. Donc on est aussi dans un déni extrêmement violent à ce moment-là de la classe politique, d'une partie de la presse, qui du coup évidemment fait monter encore plus la sauce. Il faut aussi savoir que le policier qui a donc tué Honezorg est libéré quelques mois après. C'était une grande surprise pour Dorothea Hauser, les gens en Allemagne de l'Ouest, que en fait, il était tué par un policier. Et aujourd'hui, on sait que ce policier était agent de RDR. Cornelia Jabs, vous êtes sociologue, chercheuse aux archives de la Stasi, ici à Berlin. Et c'est vous qui avez découvert la véritable identité du policier qui a tiré sur Benno Honezorg le 2 juin 1967. Oui. Enfin, sa véritable identité, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, j'ai découvert le fait que Karl-Heinz Kuras avait travaillé pour la Stasi. Jusque-là, sa collaboration avec la Stasi n'était pas connue. Et ça a été bien sûr une très grande surprise. Qu'est-ce qui vous a appris ce dossier sur la mort de Benno Ohnesorg? Also das, was natürlich offensichtlich war und was eigentlich auch sehr ungewöhnlich war, war überhaupt der Umstand, dass Karl-Heinz Kuras... Ce qui était extrêmement surprenant, c'était de lire noir sur blanc que Karl-Heinz Kuras était un agent inofficiel de la Stasi. Mais en ce qui concerne les circonstances exactes de l'assassinat de Benno Ohnesorg, il n'y a malheureusement rien de concret dans les dossiers. Il y a des indications qui prouvent que ce sujet était important pour la Stasi, mais il n'y a aucune trace montrant que la Stasi était au courant ou aurait commandité cet assassinat. Est-ce que la Stasi a interrogé Kuras? C'est-à-dire quand un de ses agents inofficiels tue quelqu'un en pleine rue à Berlin-Ouest, est-ce qu'il y a eu une enquête de la Stasi? Est-ce qu'ils l'ont interrogé? Est-ce qu'ils lui ont demandé un compte-rendu? Also im Nachgang der Ermordung von Benno Ohnesorg. Après l'assassinat de Benno Ohnesorg, la Stasi a enquêté pour essayer de comprendre ce qui s'était réellement passé sur place. Passiert ist, weshalb das passiert ist und auch allein das ist ein Hinweis darauf, dass Et ce simple fait montre bien que ce n'était pas la Stasi qui avait commandité ce meurtre. Nachvollziehbar ist gegeben hat. Il faut le rappeler, hein, Cornelia Jabs, cette mort a eu des conséquences évidemment monumentales en RFA sur la radicalisation du mouvement étudiant, sur l'émergence de mouvements terroristes comme la RAF ou le mouvement du 2 juin. Est-ce que vous avez le sentiment que la Stasi avait pris la mesure de l'ampleur de cet événement? Das ergibt sich leider aus den Akten nicht, also aus Malheureusement, on ne trouve pas d'informations dans les dossiers. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Stasi et le Parti communiste est-allemand ont tenté de tirer parti de ces événements, de ce deuil et de cette grande tristesse à leur propre avantage après la mort de Benno Ohnesorg. In diesem Moment sah ich auch einen Mann im roten Hemd, der später von mir als Benno Ohnesorg wiedererkannt wurde, der versuchte auf die krumme Straße zu kommen und eine À ce moment-là, j'ai vu un homme. J'ai su plus tard qu'il s'appelait Benno Ohnesorg. Il essayait de s'enfuir en faisant un signe de paix aux policiers. D'un coup, une main est apparue derrière lui, celle d'un policier. Il s'est écroulé lentement. Les policiers sont arrivés et ont commencé à frapper. Et puis ils se sont calmés et ils ont recommencé. Ils se sont enfin arrêtés. Je suis allée vers lui. Les policiers voulaient encore cogner et je leur ai dit d'appeler une ambulance. Il y a quelques dates. Einsteiner. Très traumatisante. Bon, le 2 juin 1967, un étudiant est tué. Enfin, vous êtes au courant des circonstances de la mort de Benno Ohnesorg. On a su beaucoup plus tard ce qu'il en était. Mais bon, sur le moment, la lecture des événements, c'est un policier qui l'a abattu. Donc ça provoque un grand émoi. Ça radicalise le mouvement étudiant. Il y a une manifestation qui appelle à la démission du maire le lendemain, manifestation interdite, à laquelle participent justement Enslin et Bader. Et dans ce moment de vraiment d'échauffement très grand des esprits, de rage véritablement contre un système politique qui est sclérosé, qui ne les entend pas, on va assister à une radicalisation de plusieurs mouvements. Il y a le mouvement du 2 juin qui est créé à ce moment-là et qui, dont un des responsables dira justement qu'ils l'ont appelé comme ça pour qu'on n'oublie jamais cette date, justement, du 2 juin 67. Donc c'est quelques mois après, en avril 68, que plusieurs étudiants, donc Enslin et Bader bien sûr, et Torvald, Proll, vont mettre le feu à un grand magasin à Francfort pendant la nuit. Hein. Donc il n'y a pas de victimes. Et vont être une première fois condamnés, puis remis en liberté conditionnelle. C'est à ce moment-là qu'ils vont lancer ce mouvement en fait de libération des foyers d'éducation surveillés. Ah. Nach dem Attentat auf Rudi Dutschke marschierten Studenten vor das Springerhaus in Berlin. Et puis, en avril 1968, c'est Rudi Dutschke qu'incarnait, les médias l'avaient un petit peu choisi, c'est toujours une fabrication, le rôle du leader. Disons que les médias s'étaient polarisés sur lui, mais il avait un rôle effectivement important. C'était un membre du SDS, un très bon orateur, quelqu'un très érudit. Et Rudi Dutschke a été abattu d'une balle. Il n'est pas mort, mais il a été très grièvement atteint. Donc ça a aussi été très traumatisant. La répression contre le mouvement étudiant allemand est vraiment extrêmement forte. Et contrairement à la France, il n'y a pas une opinion publique favorable au mouvement. Alors qu'en France, oui. Le mouvement étudiant était très bien perçu, puis s'est prolongé par un mouvement ouvrier de grande importance, pas en Allemagne. Donc après, il y a une sorte d'isolement et de manque de perspective. Et ce manque de perspective fait que les participants au mouvement d'étudiants, c'est-à-dire toute une frange de la jeunesse étudiante, politisée, s'engage dans des voies telles que la construction de mondes alternatifs avec des collectifs d'habitat, de travail, des collectifs d'éducation anti-autoritaire, etc. Changer la vie tout de suite, sans attendre la révolution. Et, d'autre part, dans des actions de clandestines, de lutte armée. Il n'y a pas que la fraction armée rouge, il y a toute une myriade de petits groupements où la fraction armée rouge apparaît. Il y a régulièrement des attentats, des attentats qui, d'ailleurs, à l'époque, ne font pas de victimes, mais des dommages matériels contre des voitures de police, etc. Enfin, il y a souvent des choses, et les revendications qui émanent de groupes comme les rebelles du H. Ça dit tout, déjà, l'appellation, quoi. Ça, ils ne se prenaient pas trop au sérieux. La fraction armée rouge, elle s'est prise au sérieux. L'action contre le magasin de Francfort, c'est vraiment dans cet esprit aussi. Un peu potache, un peu hard, mais potache quand même. Ok, also weiter, kurz, weiter. Nächste Frage. Allez, ok, on continue. Prochaine question. Astrid Proll, ancienne terroriste, membre de la première génération de la fraction Armée Rouge en Allemagne. Die Verhaftung meines Bruders, ja. L'arrestation de mon frère, oui. Ich bin dann, dès que je suis arrivée à Berlin, nach Berlin umgezogen und bin dann aber sofort nach Frankfurt je suis repartie immédiatement pour Francfort afin d'aller voir mon frère. Und hab versucht, das irgendwie einzuordnen. Alle waren schockiert, auch hier seine Tout le monde était choqué là-bas, tous ses amis, les camarades, les militants de gauche. Und dort in Berlin, in Frankfurt, et c'est dans ce contexte, à Francfort, que j'ai rencontré Gudrun Hansling et aussi Ulrike Meinhof. Et quel regard vous portiez sur cette action à ce moment-là, l'action de votre frère ? Je me faisais juste du souci pour mon frère. À l'époque, ils étaient tous très énervés, ils parlaient que de révolution. Moi, je regardais tout ça de loin. Pour moi, ce qui comptait, c'est qu'il était en prison et qu'on ne savait pas quoi faire. Astrid Proll, c'est une jeune femme au moment des faits, qui s'est engagée dans la fraction Armée Rouge dès les premiers temps, qui est là dès la fondation du groupe en 1970. Elle a connu les membres du noyau fondateur de la fraction Armée Rouge, entre autres, bien sûr, Andreas Bader et Gudrun Hensslin, parce que son frère avait participé, son frère avec lequel elle était très liée, à une action avec eux qui n'était pas encore une fraction d'un groupe de lutte armée, mais fraction d'un petit groupe de camarades qui essaie de faire quelque chose. Ils avaient donc allumé de nuit un incendie, je précise bien de nuit, parce que l'idée était de ne pas faire de blessés, ni de morts, bien sûr, que des dégâts matériels dans un grand magasin de Francfort. Donc elle a suivi de près le procès, fait connaissance de Gudrun Hensslin et Andreas Bader, et ensuite, quand ceci, avec d'autres camarades, mais pas le frère d'Astrid, justement, qui lui a fait tout autre chose après, ont fondé la fraction Armée Rouge, elle a été dès lors, mais elle était très jeune, un peu plus jeune que les membres fondateurs, elle avait 17-18 ans, et elle n'avait pas l'itinéraire politique, étant donné son âge, bien sûr, qu'avaient des gens comme Gudrun Hensslin, qui avaient 24-25, ça change tout évidemment, et qui étaient passés par certains en tout cas, mais beaucoup même, par des grandes organisations comme le SDS, qui était l'association des étudiants socialistes, au départ liée au SPD, et puis très vite émancipée du SPD qui devenait trop réformiste et qui avait constitué le pôle de rassemblement de la gauche extra-parlementaire, donc à la fin des années 1960. Donc c'est des gens, la plupart avaient été étudiants, avaient autour de 24-25 ans, avaient une formation politique de base. Astrid, c'était encore une lycéenne, toute vierge de formation politique, mais animée par l'esprit de révolte du temps, je dirais. Votre premier engagement, Astrid Prohl, notamment auprès de Bader et Enslin, ça va être de travailler avec les jeunes dans des foyers fermés. Oui. Quand ils sont sortis de prison, ils ont tout de suite réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire par la suite. Le mouvement étudiant, le SDS, était en train de se disloquer. Chacun réfléchissait à comment continuer son engagement révolutionnaire. En France aussi, en 68, en 69, on se posait ce genre de questions. Et puis, on a vu qu'il y avait une grande campagne d'engagement d'éducateurs pour les enfants dans les foyers. On a décidé de s'engager là-dedans. La grande question, c'est bien sûr pourquoi on s'est engagé pour les jeunes filles dans les foyers, les enfants démunis, en difficulté, les petits criminels. On s'est vraiment enthousiasmé pour cette cause. C'était notre sujet révolutionnaire, en quelque sorte. On y croyait vraiment. C'était une sorte de mélange entre travail social radical et léninisme. Wir haben dann in Hessen, es war in Frankfurt, wir haben dort verschiedene Heime besucht. C'était principalement à Francfort. On a travaillé dans différents foyers de la région. Et ce qui était frappant, vous savez, mon père était architecte, c'est qu'un certain nombre de ces foyers avaient été construits à l'époque nazie. Et comment, alors, de cet engagement social, politique et social, vous, Astrid Prohl, vous allez passer à la clandestinité, ça va être l'évasion d'Andreas Bader le 14 mai 70. Wir waren die Heimkampagne, das war ja nur ein kurzer Sommer. La campagne des foyers, ça a juste duré un été, un court été d'anarchie. Et après, il y a eu un nouveau mandat d'arrêt qui a été lancé. Pour résumer, un ministre de la justice social-démocrate dans la région de la Hesse où nous étions a décidé que ceux qui étaient en conditionnel devaient purger le reste de leur peine, les 2 ans et demi, 3 ans qui leur restaient. Évidemment, dans notre groupe, ceux qui étaient dans cette situation ne voulaient pas retourner en prison. Et du coup, tout s'est écroulé. Ça aurait mis un terme à tous nos projets et aucun de nous ne voulait ça. D'une certaine manière, ce ministre de la justice, il n'a pas senti l'air du temps. C'est lui qui a acheté Bader et Enslin dans l'inégalité. Et c'est ça pour moi le début de la RAF. Sans cette erreur de l'État, il n'y aurait jamais eu de RAF. En tout cas, pas sous cette forme et à ce moment-là. Vous avez assisté, vous avez participé à l'évasion d'Andreas Bader? Oui, mais ça c'est plus tard, ça arrive. Donc, à ce moment-là, les deux, Bader et Enslin, se sont retrouvés dans l'illégalité et ils voulaient continuer à s'engager politiquement. Donc, ils ont dû chercher quelque chose d'illégal puisqu'ils ne pouvaient plus continuer légalement. À l'époque, on parlait beaucoup de groupes armés et donc c'est devenu de plus en plus une possibilité pour eux. Et puis, ça c'est une erreur, toute cette histoire est une succession d'erreurs. Bader a été arrêté parce qu'il conduisait une voiture tout à fait extravagante et qu'il a eu un accident avec. Et ils vont faire une action pour le libérer. Donc il y a un contrat d'éditeur, Klaus Wagenbach, un éditeur important de cette période, éditeur d'extrême gauche, fait un contrat pour Ulrich Meinhof et Andreas, disant qu'ils doivent travailler ensemble sur un livre. Et la justice allemande était assez libérale à cette époque, puisqu'Andreas Bader obtient l'autorisation de sortir, encadré évidemment par des policiers, de la prison jusqu'à la bibliothèque pour travailler avec Ulrich Meinhof. Il lui reste pas tellement de mois à faire, peut-être quelque chose comme 10 ou 12 mois. Et ils entreprennent quand même de le libérer par les armes, justement, à l'occasion d'une de ses visites à la bibliothèque. Yeah. Au tout début, il faut dire que la RAF était un groupe de femmes et que nous, les femmes, avons décidé de libérer Bader. Ce que nous avons fait, sauf qu'il y avait juste un homme lors de cette action et que c'est cet homme qui a tiré. Et c'est là que tout s'est enclenché. Et vous, vous deviez rentrer dans l'illégalité après ? Non, non, pas de questions sur moi. Organiser une opposition armée. Développer la lutte des classes. Fonder la fraction Armée Rouge. Ulrike Meinhof, journaliste et membre fondateur de la fraction Armée Rouge, extrait du film Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perrion. La confiance du prolétariat révolutionnaire ne se gagne pas par l'action politique. Elle se gagne en posant la question de la lutte armée et en y répondant. Pour ne pas remettre en question leurs privilèges, leurs fourbis ou leurs jolies cuisines, les intellectuels de gauche reprennent des schémas psychanalytiques pour expliquer la détermination des révolutionnaires. Ils utilisent des informations erronées pour prouver que la guérilla urbaine ne fonctionnerait pas. De quel droit exigent-ils de la guérilla urbaine qu'elle se justifie ? Se demander s'il est juste de créer des groupes d'opposition clandestins armés dans la République fédérale d'Allemagne et à Berlin-Ouest, c'est se demander si c'est possible. La réponse ne peut être que pratique. Le reste n'est que spéculation. Quelques camarades ont opté pour la pratique. On verra alors si on est assez nombreux, si l'on a assez de détermination, de force, d'énergie psychique et physique, assez d'intelligence, de discipline, d'insatisfaction et de haine de classe pour attaquer l'impérialisme au cœur de la RFI de Berlin-Ouest. Le pouvoir politique sort des canons. Tout était nouveau pour nous. Personne ne savait ce qu'il fallait faire, comment on devait se comporter, où aller. C'était un monde complètement inconnu. Il fallait construire l'armée rouge. C'était ça le slogan. Construire l'armée rouge. C'est-à-dire mettre en place une logistique qui nous permette d'agir, d'exister, de faire des actions. Agir dans le sens faire la guérilla. Mais bien sûr, il se passe toujours autre chose que ce qu'on avait prévu. Les gens sont arrêtés. C'est comme ça. Contre quoi on se battait ? Je suis resté un an. On s'est surtout battu pour ne pas être arrêté et ne pas se faire repérer. C'était après la libération de Bader. On était 8 personnes. Il y avait des avis de recherche avec nos photos partout. On était un tout petit groupe en fait. On pouvait compter sur 20, 25 personnes. C'est rien, c'est une blague. Und eigentlich das erste Jahr, das ich erlebt habe, da spielte sich ab mit Logistik. Wir sind immer noch La première année que j'ai passée avec eux, on s'occupait surtout de la logistique, trouver des appartements, déménager, redéménager. Et puis certains d'entre nous se sont fait arrêter. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore de mort. Aber es gab noch keine Toten. Ça commence par des actions pour en fait assurer l'infrastructure, donc hold-up, vol de papier dans des mairies, etc., location d'appartements. Alors ils attaquent des commissariats de police, la justice à travers la personne d'un juge, et ils attaquent surtout des casernes américaines en pleine guerre du Vietnam, puisque la mobilisation étudiante, elle est née dans cette dynamique anti-impérialiste de protestation contre la guerre du Vietnam. C'est vraiment important. Beaucoup plus qu'en France. Beaucoup plus qu'en France et qu'en Italie. Alors que c'est le même schéma qu'au Japon et qu'aux États-Unis. Japon, États-Unis, Allemagne, le mouvement étudiant démarre à partir de cette mobilisation contre la guerre du Vietnam. Et ces actions-là, elles sont très populaires. Elles rencontrent l'assentiment pas de la population, hein, pas exagéré, mais de la gauche progressiste, en tout cas de la gauche étudiante. Mais en même temps, ça va très loin d'emblée et tellement loin que c'est difficile de les suivre. Vous aviez l'impression, vous, d'être en lien direct avec ce mouvement des étudiants ? Au début, on a essayé de maintenir une communication, mais ça devenait de plus en plus dangereux. Et les gens ont commencé à s'éloigner quand il y a eu des arrestations, des interrogatoires. Et les gens de la RAF se sont retrouvés complètement isolés. Et c'était naturellement une catastrophe. La RAF a eu, en tout cas, les premières années, énormément de sympathisants. Je ne sais pas. Il y a cette étude qu'on cite toujours, mais... Oui, il y en avait quelques-uns, mais ce n'était pas très sérieux. C'était plutôt un jeu de miroir dans les fêtes à Hambourg, dans les milieux de journalistes établis. Ils se disaient prêts à cacher Ulrike Meinhof pour une nuit, mais ce n'était que des paroles en l'air, un jeu. Quand ça a commencé à devenir sérieux, quand il y a eu des morts, ils sont tous retournés très vite dans leur chambre. Toutes les grandes actions d'Araf sont très concentrées dans le temps, ça se passe en 15 jours. Mais sur l'ensemble du territoire allemand, Hambourg, Munich, Stuttgart, Francfort, ça donne une impression de puissance. Or derrière, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a 25-30 personnes qui sont très vite arrêtées parce qu'en fait, ils ont très bien préparé leurs attentats, mais ils ont très peu de moyens derrière. Et notamment pas les moyens de se cacher ou de se dissimuler. Et la preuve qu'ils ne sont pas non plus si en phase avec la population, c'est que visiblement, on ne se précipite pas pour les héberger, pour leur porter secours. Et Ulrike Meinhof est arrêté, enfin c'est quand même important de le dire, par un homme, un professeur, qui avait accepté gauche, qui avait accepté de l'héberger, mais qui finalement l'a dénoncé à la police. Alors après, le groupe... et décapité, en quelque sorte, ça va se reformer, mais les actions ultérieures n'auront pas du tout la même portée parce que ce seront essentiellement des actions de demande de libération des prisonniers incarcérés. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux, on tourne en rond et on ne peut pas vraiment se reconnaître dans cette politique-là et jusqu'à l'automne allemand. Cinq ans après la mort de Benno Hannesorg à Berlin, c'est au tour de la France de connaître le goût du sang. Le 25 février 1972, un jeune militant de la gauche prolétarienne, Pierre Auvernet, est abattu par un vigile de renom. Comme Benno Hannesorg en Allemagne, Pierrot devient la figure martyre de la Révolution. Lors de son monumental enterrement, qui réunit plus de 200 000 personnes au Père Lachaise, ils sont nombreux à crier vengeance. Mais la France n'est pas l'Allemagne. Et si la violence reste au cœur des préoccupations, la réponse des Mao à la répression de l'État ne va pas se limiter à la lutte armée. Même s'il ne faut jamais oublier que la vengeance est un plat qui se mange froid. Nous crions pour que la France entière entende de Barbès à Renault, le fascisme ne passera pas. Il s'appelait Pierre Auvernet, il avait travaillé pour la Régie nationale, il était militant maoïste. Il a été tué d'un coup de feu par un employé de la Régie, un employé administratif des services de surveillance, et qui, n'étant pas chargé du gardiennage, avait pourtant un revolver dans la poche. Voyons les faits. Il est 14h à Boulogne-Billancourt, devant les grilles de l'usine, quelques militants maoïstes distribuent des tracts. Cela s'est produit fréquemment depuis le début de l'année. Cette fois-ci, pourtant, les gauchistes sont plus nombreux. À 14h30, pour les ouvriers, c'est l'heure de la relève. Ceux qui travaillent depuis 6h30 du matin quittent l'usine. À partir de cet instant, les opinions divergent. Pour certains, les gauchistes ont essayé de pénétrer dans l'entreprise. Les gardiens sont intervenus. Une bagarre a éclaté. Un homme en civil a dégainé un revolver. Il a menacé les distributeurs de tracts et a même tiré un coup de semonce avant de faire feu à hauteur d'homme. Oui, bien sûr, les militants gauchistes ont, eux, une autre opinion. Oui, pour eux, ce sont les gardiens qui sont intervenus alors qu'ils se trouvaient à l'extérieur de l'usine. Une bousculade s'est alors produite. Un policier de la police privée de Renault a tiré à bout portant sur un ouvrier. Selon ce militant maoïste, les ouvriers de Renault auraient alors tenté de lyncher ce policier. La bagarre avec le service de surveillance aurait duré plus d'une heure. Dès le soir de l'assassinat de Pierrot, Alain Gesmard, j'ai eu un entretien avec Benny Lévy, téléphone. on s'est mis d'accord sur la conduite à tenir. Il était prévu ce jour-là une grande manifestation dont on prévoyait qu'elle serait dure parce qu'elle avait comme objectif de dénoncer l'assassinat de travailleurs immigrés algériens dont certains avaient été retrouvés dans la Seine et qu'on imputait aux forces de police. Et donc, les ouvriers de Renault, le comité de lutte Renault, qui était notre groupe d'action à Renault, devait prendre la tête de cette manif. Et Pierre Auvernet a été assassiné alors qu'il distribuait les tracts pour appeler à cette manif. On avait des matraques, des cocktails Molotov, enfin, tout l'instrument des manifestations de l'époque, des manifestations dures, tout le monde le savait. Donc on savait qu'on allait affronter les forces de police qui taperaient violemment. Donc on avait prévu que ce serait un affrontement important. Donc on a décidé de désarmer cette manifestation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, de notre part, un mort à Renault et puis que nous-mêmes, nous créions des victimes, des blessés, éventuellement un mort lié à cette manif. Et la direction de la GP, suite à la mort de Vernet, décide Lucas de changer complètement de stratégie et de ne pas utiliser ce matériel et la manifestation ne sera plus violente. Et en fait, pourquoi ? Parce que ils ont compris que si ils l'avaient rendue violente, on basculait dans autre chose. C'est-à-dire que la GP, la direction, n'aurait pas pu tenir ses troupes, pour faire simple. Aussi bien pour Gessmar, Benny Lévy ou d'autres, en prenant la décision de ne pas rendre cette manif violente, ils ont fortement contribué à limiter la casse dans le passage à l'action armée. Ça, c'est sûr. Le seul problème, c'est que la police ne savait pas qu'on avait décidé de désarmer et on s'est fait massacrer joyeusement. Enfin, bon, joyeusement, façon de parler. En plus, vous imaginez ce que ça pouvait être pour les camarades d'Auvernay qui venaient d'apprendre que leur copain avait été tué devant l'usine et qui étaient eux-mêmes rassemblés à la gare de Lyon. C'est là où ils ont appris les choses. Et quand je leur ai expliqué qu'il fallait jeter les matraques et balancer les cocktails Molotov dans les égouts, ça a été difficile. Le drame de Renault devait, quelques heures plus tard d'ailleurs, provoquer une certaine effervescence durant la commémoration de la manifestation du 8 février 1962 au métro Charonne. Il faut dire que les esprits étaient échauffés, alors de nouveaux et de violents accrochages ont eu lieu hier soir rue de Charonne dans le 12e arrondissement de Paris. Des accrochages entre les forces de l'ordre et les manifestants au nombre d'environ 700. Échanges de boulons et coups de matraque se sont succédés, plusieurs blessés ont été admis dans différents hôpitaux. La police a procédé à 400 interpellations. Dans votre livre, Morgane Sportes, donc ils ont tué Pierre Auvernet, vous revenez sur ce que vous définissez comme la responsabilité des Mao dans la violence qui a lieu dans les années 70, et notamment le fait qu'ils aient chauffé à blanc leurs militants pour finir par les abandonner du jour au lendemain. Ah oui, parce qu'ils utilisaient les jeunes ouvriers maghrébins de chez Renault, mais aussi les voyous de la banlieue de Billancourt, et ils en faisaient leurs tireurs sénégalais, qu'ils envoyaient au casse-pipe. Et Pierre Auvernet était de ceux-là. Pierre Auvernet était issu d'un milieu très humble, ses parents étaient ouvriers agricoles. Donc c'est vraiment la misère de la misère, hein, je veux dire. Et ils les ont envoyés au casse-pipe, parce qu'on leur a dit, il faut que le sang coule. Parce qu'il était prévu, c'était juste après la rencontre Nixon-Mao, il était prévu de foutre le bordel dans les usines Renault et d'engrener ainsi une révolution. Enfin, il est arrivé complètement dans la France de l'époque, la révolution. Un correctif, le point extrême de la violence à Renault, c'est l'assassinat d'Auvernet. C'est pas l'action des Mao. Il y a eu des bagarres avec les petits chefs, ceux qui étaient essentiellement les plus répressifs. Il y a eu des bagarres avec les vigiles. Et on encourageait ça. C'est clair que les Mao encourageaient ça. Mais nous avons introduit Jean-Paul Sartre à Renault. On n'a pas introduit d'armes à Renault. Ils croyaient qu'en cassant la tête d'un contremaître, on faisait la révolution. J'avais des idées assez primaires. C'était des types qui sortaient de normal. Des types comme Benny Lévy ou comme Olivier Rollin ou comme Jean-Claude Milner. Un type aussi intelligent. J'ai rencontré Jean-Claude Milner. C'est un type très raffiné, grec-latin, linguiste. Comment ? C'est de la véritable schizophrénie pour moi. Mais des types comme Sartre et Foucault, quand on lit les dialogues, je les cite dans mon livre, de Foucault avec Benny Lévy dans Les Temps modernes, c'était je crois en 1973, vers la guerre populaire, mais on tombe raide, Foucault remet en cause la justice bourgeoise, il veut la justice populaire, c'est ce qui a amené la chasse aux notaires à Bruyères-en-Artois. Foucault, je crois que lui, il prend ses distances quand même avec le tribunal, c'est Sartre surtout qui est... Sartre, il y a des trucs nouveaux, Foucault, dans ce numéro des temps modernes, je dirais même Benny Lévy paraît à côté de lui un sage raisonnable à côté de Foucault, il y a des moments où il délirait complètement Foucault. Et alors Sartre était hallucinant, je veux dire, était hallucinant. Il y a un côté pathétique chez Sartre, c'est un côté roi lire, vous voyez. Enfin, ils avaient comme réussi à rassembler un certain nombre d'intellectuels majeurs. Ils se servaient d'eux, ils les appelaient les démocrates. Donc ils disaient, ils ont même entraîné Sartre dans des coups où ils rêvaient qu'il se fasse casser la gueule. Parce que quand il disait, Benny Lévy je crois disait... quand un Mohamed ou un Ali se fait casser la gueule, personne n'en parle. Tandis que si Sartre se fait casser la gueule, il y aura la une dans les journaux, vous voyez. Oui, et puis en le mettant à la tête de la rédaction de La Cause du Peuple, c'était aussi une manière de... C'était un journal qui appelait au meurtre. Et ils n'ont pas interdit La Cause du Peuple, comme quoi ça devait bien servir le gouvernement. La Cause du Peuple, elle a publié pendant 3 ans, même après la mort de Vernet. Elle a continué de faire des appels au meurtre. Camarades, je suis en ce moment, je devrais témoigner à l'heure exacte que voici au palais de justice pour le procès Gessmar. Je suis venu témoigner auprès de vous. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que la justice de classe est, comme vous le savez, décidé à punir Gessmar, que les peines sont déjà données et que les témoignages seront écoutés poliment par les juges, mais qu'on n'en tiendra aucun compte. Ensuite, parce que vous seuls pouvez juger l'action de Gessmar. À partir du moment où se crée la gauche prolétarienne, Raymond Marcellin et les juges de la Cour de Sûreté de l'État vont faire de la gauche prolétarienne, donc des Mao, l'ennemi intérieur numéro 1. Vanessa Codaccioni, politologue. Les Mao font peur en réalité à Raymond Marcellin, au chef de l'État, au gouvernement, parce que c'est un nouveau militantisme aussi. Ça fait peur, on dénonce la justice bourgeoise, on a l'impression que c'est un très grand mouvement, alors que finalement pas tant que ça, mais c'est un mouvement aussi qui est très important parce qu'il réclame le renversement de la rationalité pénale, c'est-à-dire qu'il dit en gros il faut juger maintenant tous les bourgeois, tous les riches, tous les grands patrons. Et là on va pas faire dans le détail, c'est-à-dire non seulement on va arrêter les dirigeants, Alain Guémard par exemple, qui va être traduit en procès dans de grands procès politiques, mais on va arrêter tous les militants Mao, tout ce qu'on peut arrêter. Et dans les archives, ce qui est très étonnant, c'est que je vois des discussions, par exemple, de policiers qui disent « il nous faut les arrêter, ce sont des doctrinaires très dangereux, mais on ne sait pas comment les arrêter, parce qu'ils font finalement rien de mal. » C'est pas assez grave ce qu'ils font. Distribuer un tract, c'est pas grave. Coller une affiche, c'est pas... Comment est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va faire pareil. Qu'en mai 68, on va dissoudre la gauche prolétarienne. Et on va arrêter tous les militants en disant « vous commettez un délit de reconstitution de Ligue dissoute. » Parce que depuis 1963, le délit de reconstitution de Ligue dissoute revient à la Cour de Sûreté de l'État. Avant, c'est un délit tout à fait classique, hein, qui depuis 1936, puisque c'est un délit qui a été créé par la gauche, là encore, contre l'extrême droite, pour réprimer les ligues fascistes de 1936. 3 ans plus tard, c'est le Parti communiste qui est dissous en 1939. Donc vous voyez, c'est là aussi, hein, exemple type de mesure prise contre l'extrême droite qui très vite se retourne contre l'extrême gauche. Et ça a toujours été jugé par le tribunal correctionnel. À partir de 1963, on explique que la reconstitution de dissoute, ce sera une juridiction d'exception, la Cour de Sûreté de l'État. Ce qui fait que le général de Gaulle, en fait, en dissolvant toutes ces organisations d'extrême gauche, plus d'une dizaine, fait de ces militants des potentiels justiciables d'une juridiction d'exception à la Cour de Sûreté de l'État. Et là, on a des exemples très frappants, là encore, que j'ai trouvé dans les archives, qui touchent toutes ces organisations, Révolution, tous ces mouvements d'extrême gauche. Il n'y a pas Internet à l'époque. Il n'y a pas le téléphone portable. Ils ne savent pas, ces militantes et ces militants, qu'à 9h du matin, leur organisation a été dissoute. Donc à 9h10, il y a des policiers ou des gendarmes qui les attendent devant les locaux et qui les arrêtent. Reconstitution de l'église dissoute. Et ce qui est très intéressant avec ce délit-là pendant mai 68, ça a peu été souligné, c'est qu'en quelques secondes, des militants d'extrême gauche, des manifestants de mai 68, passent du statut de militant au statut de criminel ou de délinquant passible d'une juridiction d'exception, quelque chose d'extrêmement grave. Et là, il va y avoir de grands procès politiques qu'on n'a pas eu en mai 68. C'est-à-dire, avec d'un côté des grands procès, ceux d'Alain Guémard, par exemple, qui va vraiment politiser le prétoire, parce que ce sont les chefs de la gauche prolétarienne. Et ensuite, vous avez un ensemble de petits procès, qui sont, on appelle ça les procès de la cause du peuple, hein, c'est-à-dire ceux qui ont distribué le journal Mao, la cause du peuple, et qui vont avoir des stratégies de politisation du prétoire très intéressantes. C'est-à-dire, soit ils vont décider de ne pas se présenter devant le tribunal, en disant « on fait la grève de la faim, mais parce qu'on est des politiques et que vous êtes une justice bourgeoise, et qu'on est une justice bourgeoise », soit ils vont aller au prétoire, ils vont lire un tract, « Messieurs, vous représentez la justice bourgeoise, nous n'avons rien à vous dire. » Et ils vont même interdire à leur avocat de plaider, ce que je n'ai jamais vu, pourtant j'ai beaucoup travaillé sur les procès politiques. Ils vont interdire à leur avocat, qui est Henri Leclerc, de plaider. Ce qui fait que les procès des Mao se finissent tous dans le silence. C'est ce que j'ai appelé la politisation du silence. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette violence à l'époque de la gauche prolétarienne, hein, donc avant que vous passiez à la lutte armée, concrètement de quoi il s'agissait ? La violence, ça se construit. C'est un apprentissage. Pas forcément à travers les manifestations spectaculaires comme celle qui a eu lieu en 71 au Palais des Sports ou contre l'Ordre Nouveau, enfin contre les fascistes. Ou en 73 face à la mutualité aux mêmes adversaires. C'est d'abord la manière dont des jeunes vont petit à petit apprendre à être violents. Et comment ils apprennent à être violents ? Parce qu'ils vont soutenir des actions. Par exemple, l'expérience de l'usine Renault a été très symbolique, mais d'autres usines aussi, Citroën, etc. Puisque les jeunes étudiants et lycéens allaient diffuser des tracts. Très très vite, ils ont été agressés soit par des syndicalistes qui étaient hostiles à ce genre d'action, soit par des vigiles, soit par des membres de la CFT, qui était un syndicat d'extrême droite. Et Citroën, par exemple, il y a une militante qui a été violée par des gens de la CFT. Et il y avait des bagarres avec des blessés. Donc, qui dit bagarre, dit réaction. Et les militants n'avaient pas envie de se prendre des raclées toutes les 3 secondes. Donc ils ont commencé à apprendre à être usés, à tendre des pièges à un groupe de vigiles particulièrement durcis, en envoyant quelques militants distribuer un tract, les autres sortent, commencent à les taper, et là sortent d'une camionnette une quinzaine avec des barres de fer et cassent la figure aux vigiles. Bon, ça, c'est ce que j'appelle les débuts d'apprentissage. Les autres formes d'apprentissage étaient plus sur des actions de type commando, où il fallait organiser des petits groupes très mobiles, et où là, on apprend à fabriquer des cocktails Molotov, un peu plus élaborés que ceux qu'on voit dans les films, avec un chiffon qu'on enflamme, des ras-le-bol, avec, je vais pas dire comment on les fait, mais qui sont des engins explosifs qui peuvent être quand même assez dangereux, mais toujours contenus pour éviter de tuer. Tout ça, je le répète, c'est un apprentissage, c'est apprendre à écouter la police avec des scanners qu'on va acheter aux États-Unis dans un premier temps, apprendre à se mouvoir dans Paris pour éviter d'être pris. C'est toutes ces petites pointes de touche qui font que petit à petit, ces gens-là vont se sélectionner entre eux. Quand on est dans un processus violent, on a envie que quand on tombe par terre, quelqu'un vous ramasse, pas se mettre à fuir en courant. Donc, rapport de confiance, rapport de solidarité et, point très important, c'est qu'il y a bien entendu de leadership. C'est-à-dire qu'un groupe se structure à partir d'un individu. Et dans la plupart des groupes qui vont se durcir et passer à la violence, les individus qui vont avoir une influence forte sur les autres, qui vont donner l'exemple, notamment dans des logiques qu'on pourrait qualifier de sacrificielles, c'est-à-dire c'est ceux qui vont s'exposer le plus, c'est eux qui vont structurer. Et ce sont ces agglomérations d'individus avec les règles qui sont dans culture orale, c'est pas des règles écrites au départ, mais qui vont créer une cohésion, et c'est ensuite ce qui va faciliter le passage à la clandestinité, à des modes d'organisation plus élaborés, et donc au passage à la lutte armée. cherchait à avoir un noyau de gens qui étaient capables d'agir pour permettre aux masses de se défendre. C'est explicitement une tâche qui était confiée chez nous à ce qu'on appelait la NRP, la Nouvelle Résistance Populaire, qui était un groupe militant, qui était effectivement armé pour participer à des actions plus musclées. Il y a eu quelques actions de Grailly, qui était un des adjoints de Chirac, qui était un des responsables de la spéculation immobilière à Paris, qui a été enlevé par la NRP et que la police a retrouvé deux jours après dans une poubelle. C'était le type d'action qu'on était capable de faire. Après l'assassinat de Pierre Auvernet, la NRP a interpellé, arrêté le cadre de Renault, qui était responsable des vigiles Nogrette, qui a été enfermé pendant quelques jours, nourri avec des biscottes, si mes souvenirs sont bons, et qui a été relâché quelques jours plus tard. L'idée était de démontrer qu'on n'était pas intimidé par l'assassinat de notre camarade et qu'on pouvait répliquer à ce genre de choses. On avait un groupe qui était susceptible de mener des actions à caractère militaire, mais qui, pour l'essentiel, a mené des actions qui n'ont pas entraîné mort d'homme. Mais il y a quand même des formes de violence. Par exemple, il y a des Mao qui vont déposer des bombes, qui vont commettre des attentats dans des houillères de France. C'est des jeunes Mao qui ont déposé des bombes dans des mines pour protester contre des accidents du travail qui ont tué des mineurs. Vous nous parliez de bombes. Il y a aussi quand même eu des séquestrations qui ont été faites par la gauche prolétarienne. Oui. Il y a eu des tentatives dans les mouvements, autour de Touvier notamment. Oui. Vous avez trouvé des informations ? Je n'ai trouvé aucune information. Moi, les seules informations que j'ai, c'est sur les bombes, donc les actes les plus violents, ou sur les tentatives de sabotage. C'est-à-dire les sabotages dans les usines. Il y a, par exemple, dans des usines de fabrication automobile, des sabotages, c'est-à-dire au lieu de peindre la voiture en bleu, ils vont la peindre en rouge, ou ils vont abîmer une portière, etc. Donc ça, j'ai retrouvé des choses sur le sabotage, qui fait partie, hein, d'ailleurs, de directives, hein, de la gauche prolétarienne, c'est-à-dire c'est pas du tout des actions isolées, ça fait partie, on va dérouter, subvertir la production, en fait. Mais tout ce qui est séquestration, qui a eu lieu, hein, il y a eu des... qui ont été très courtes, hein. Il ne faut pas non plus surestimer ce type d'action, hein. C'est très infime. Justement, Vanessa Kadachioni, quelle est pour vous la différence entre la France et d'autres États comme l'Allemagne ou l'Italie, où la violence a été beaucoup plus forte et beaucoup plus longue ? La vraie différence pour moi entre la France, l'Italie par exemple, ou l'Allemagne, c'est le type de violence et le degré de violence. C'est-à-dire qu'en France, on voit très bien quand on travaille sur les Mao, ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, mais ils sont, en termes de violence politique, on voit très bien qu'ils n'ont pas enclenché quelque chose qui s'est enclenché ailleurs. Par exemple, quand ils ont monté, il y a eu un fameux tribunal populaire avec Sartre en juge, etc. Le tribunal populaire finit par « on condamne les patrons à... » On condamne à quoi et comment ? Et là, on voit très bien qu'il y a une limite, c'est-à-dire c'est symbolique. En Allemagne, en Italie, les exécutions, elles seront de moins en moins symboliques. Et on va attaquer les juges, on va attaquer les avocats, on va attaquer... Donc il y a une forme de violence qui touche aussi l'appareil judiciaire, ce que ne feront jamais les Mao. La violence chez les maoïstes, elle va être essentiellement symbolique. Il n'y aura jamais réellement passage à la lutte armée. À la différence, évidemment, des brigades rouges en Italie ou de la RAF en Allemagne. Après 68, la révolution n'est pas un dîner de gala, fin de la deuxième partie. Avec Astrid Proll, Alban Lefranc, Cornelia Japs, Dorothea Hauser, Anne Steiner, Alain Gesmard, Lucas, Morgan Sportes et Vanessa Codaccioni. Extrait du film Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot. Traduction Alban Lefranc. Doublage Olivier Martineau, Margaret Zenou, Asia Khalid et Cécile Arnaud. Prise de son Georges Thau. Réalisation Christine Robert. Mixage Julien Douminc. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Christelle Le Polozek pour LSD, la série documentaire. À demain pour la troisième partie. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez redécouvrir la bande à Bader, bibliographie, lien, nous podcaster pour les barricades ou nous réécouter sur la plage qui se trouve sous les pavés, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter. Demain, troisième étape, les années de plomb de l'Allemagne au Japon en passant par l'Italie. Et pendant 2 semaines, pour prolonger, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur notre partenaire, Phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire, le film de Carole Rossopoulos réalisé en 71. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est toute la programmation de France Culture, de la fabrique de l'histoire au pied sur terre en passant par la fiction, qui explore ce mois de mai 68. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.